France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Selon la définition du dictionnaire Larousse, un fan est un admirateur enthousiaste, passionné de quelqu'un, de quelque chose. Que ce soit fan d'une série télé ou d'une équipe de foot, d'un acteur ou d'une actrice de cinéma, nous avons tous adopté au moins une fois dans notre vie un de ces comportements ou une conduite similaire. Mais qu'en est-il de Guy Georges, qui reçoit des demandes de mariage en prison, ou de Francis Holm, qui fait l'objet d'un film ? Pour Franck Tilliez, auteur de Polar, les tueurs en série sont une source d'inspiration. Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre quelle est la part d'ombre susceptible de faire basculer quelqu'un dans l'horreur. Est-ce aussi cela, être fan ? La Maison de la Culture de Chambéry ne donnera pas de représentation de la pièce de théâtre Roberto Zucco, une œuvre inspirée de la vie du jeune Italien meurtrier de ses parents et d'un policier en Savoie. Quand il est mort, il y avait 23 dossiers d'instruction ouverts contre lui. Vous imaginez 23 dossiers. Alors, il n'y a pas que des crimes de sang, mais enfin, il y a des drames terribles hein, dans l'histoire. Il a tué, en plus de ses parents, il a tué 5 personnes en France. C'est énorme quand même. L'annonce du spectacle avait suscité pas mal d'émotions dans la région et même des menaces de la part de plusieurs organisations syndicales de la police. Le directeur de la Maison de la Culture de Chambéry, Dominique Jambon, renonce devant les risques de manifestation. Si on me prend, on m'enferme. Si on m'enferme, je deviens fou. D'ailleurs, je deviens fou, là. Maintenant, il y a des flics partout. Il y a des gens partout. Je suis déjà enfermé au milieu de ces gens. C'est le fameux meurtrier qui s'est suicidé dans sa cellule. C'est l'histoire de Samson, c'est l'histoire, en plus trahi par une femme. Oui. Il y a une Dalila dans l'affaire, c'est l'histoire de Goliath, c'est une histoire sublime. Oui. Sublime, et c'est un tueur. En plus, quand on me dira que je fais l'éloge du meurtrier ou des choses comme ça, parce qu'on va me le dire, moi je dis que c'est un tueur exemplaire. C'est ça. Astre noir, première partie, Coltès et le tragique Roberto Zucco. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire. Comme toujours dans les histoires qui concernaient Roberto Zucco, ou presque toujours, on avait l'impression qu'il avait un petit parcours d'abeille, c'est-à-dire qu'il faisait un repérage, il volait éventuellement quelques trucs. Il escaladait comme un chat. Enfin, c'était vraiment assez typique de sa façon de procéder. Et ensuite, il revenait et il agressait. C'était comme ça qu'il faisait. Pascal Froment. Et il a violé une jeune fille dans une maison. Et donc, elle a eu évidemment beaucoup de malchance et de malheur d'être violée. Mais en même temps, elle n'a pas été tuée. Ce qui était, enfin, c'est affreux, mais tout est relatif dans ce genre d'histoire. Donc elle a tout de suite porté plainte. Et à ce moment-là, son père a signalé aux policiers qu'on lui avait volé, quelques temps plus tôt, un dictaphone de la marque Olympus. Mais il a fallu beaucoup de temps pour faire le lien entre les deux affaires, si vous voulez. Et quand on a retrouvé le dictaphone Olympus, c'était dans l'appartement de Toulon qu'habitait Roberto Zucco. Et il y avait cette petite cassette. Zucco qui s'était enregistré en délirant, comme d'habitude. Donc ça commence avec Shakespeare et ça se termine avec la Compagnie créole, voilà. Être, on n'est pas être. Ça, c'est ce problème. Je crois qu'il n'y a pas de mots, il n'y a rien à dire. Et quoi croire ? Et ça pour continuer à vivre, pour pouvoir voir. C'est ça, voir. Qu'est-ce qui se passera ? C'est pareil. Tôt ou tard, on doit tous mourir. Tôt ou tard, on doit tous mourir, tous. Et ça fait chanter les oiseaux. Ça fait chanter les abeilles, ça fait rire les oiseaux. Et voilà. Et donc, quand j'ai rencontré Coltès, je venais d'avoir cette cassette avec la voix de Zucco. C'était très, très impressionnant, cette voix. Et donc, on l'a écoutée. Et ça, c'était un moment assez triste, vous voyez. Et très intense en tout cas. Et là, il m'a demandé cette cassette et moi, je voulais pas trop. Il y avait plein de raisons aussi pour lesquelles je voulais pas. Bon, la première raison, je pense que c'était parce que j'avais commencé mon enquête quelques mois plus tôt et que c'était quand même un scellé, cette cassette, et que je voulais pas trop me griller auprès de mes sources. Ensuite, je trouvais que c'était très, très, très morbide. Et ça m'embêtait, je savais qu'il était très malade et je me disais, on va pas en rajouter. Vous voyez, il est passionné par cette histoire, ça va lui faire du mal. Voilà, c'était ça l'idée. Il a tellement insisté que j'ai fini par faire un double de la cassette et on s'est revus. Il est, évidemment, je lui ai donné. De toute façon, un an, 100 ans, c'est pareil. Tôt ou tard, on doit tous mourir, tous. Et ça, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les oiseaux. Je vous l'avais dit que c'était un fou. Quand il m'envoie son tapuscrit, il signe la fin du petit mot qu'il me met, l'autre membre de la secte Souko, ou un truc comme ça, le second membre de la secte Souko. Bon. Ça, évidemment, ça peut être pris comme quelque chose de très malsain, c'est pas ça. On était vraiment en train de réfléchir à ce que c'était que ce personnage. Mais moi, je suis pas du tout en train de penser la pièce qu'il écrit. Je ne sais absolument pas ce qu'il va en faire. Et lui-même m'a pas une seconde demandé ce que je voulais écrire. On a parlé de ce qui s'était passé. Jusqu'à présent, il disait, ou ses amis parfois disaient que c'était un flemmard. Et il disait qu'une pièce, en général, une pièce, il fallait 2 ans, 2 ans et demi, le temps de maturation, le temps. Mais là sont les derniers mois, donc évidemment, il sait que le temps lui est compté. Donc il écrit en sachant que le temps lui est compté, il tient absolument à écrire cette pièce. Donc il écrit vite. Brigitte Salino. C'est l'été 88. C'est le dernier été de Bernard-Marie Coltès. Et là, toutes les forces de Bernard-Marie Coltès se concentrent sur l'écriture de Roberto Zucco. Et là, sa santé est vraiment très mauvaise. Ses amis sont autour. Carlos, qui est un de ses plus proches, Carlos Bonfils, est venu de Mexico pour l'aider. C'est lui qui lui apporte la photo. Parce que, donc un jour, Bernard-Marie Coltès, dans le voit un avis de recherche dans le métro et il reste en arrêt devant cette photo. Et dessus, il est écrit Roberto Zucco avec un Z. Parce qu'à ce moment-là, la police française qu'il recherche ne sait pas que son vrai nom, c'est Zucco avec un S. Et Coltès conservera le Z qu'il a vu sur l'affiche. Et il est ce visage qui n'a rien d'extraordinaire, qui est tout à fait anonyme quand on le voit, déclenche quelque chose chez Coltès. Et il veut absolument avoir la photo. Et c'est d'ailleurs son ami Carlos qui va aller récupérer des photos puisqu'elles ont disparu, puisque Zucco a été arrêté. Et il va aller à la préfecture de police. On lui donne la photo qui va rester au-dessus du bureau de Coltès quand il écrit. Le metteur en scène Claude Stratz, 1992. Zucco, bien, il me l'a raconté. Et c'était une aventure très singulière. Si vous voulez, contrairement aux autres pièces, il est parti d'un fait divers réel, il est parti d'un personnage dont il avait vu la vie de recherche dans les métros de Paris. Progressivement, il s'est documenté. Je me souviens, il m'avait demandé d'aller lui rechercher des articles de journaux. Pour finir, j'avais réussi à trouver toute la suite comme ça des articles, depuis le tout premier entrefilet jusqu'à la mort dans la prison. Alors c'est quand même très, très singulier parce qu'il n'écrivait pas du tout de cette façon-là habituellement. Et il commençait à écrire des bouts de dialogue. Souvent il disait « j'attrape un personnage quand j'arrive à faire un monologue ». La première pièce qu'il reconnaît vraiment la nuit juste avant les forêts est précisément un long monologue. Et là il est vraiment parti d'un modèle. Il cherchait à le comprendre, à savoir comment il avait pu, comment Zucco avait pu faire ces choses-là. Qui était Zucco ? Personnage pétri de contradictions qui le fascinait. Bah, c'était un jeune homme qui était né à côté de Venise, à Mestre. Son père était policier. Par la suite, il va tuer essentiellement des policiers si on veut s'amuser à faire de la psychanalyse sauvage. Et sa mère était mère au foyer. Bon, il venait d'une famille quand même où il y avait eu pas mal de violence. J'ai retrouvé ça après en enquêtant en Italie, mais on raconte que quand il était enfant, il aimait bien faire de la dissection avec des petits animaux. Vous voyez, donc quand même, il y avait des trucs qui tournaient pas rond. Il tuait des chats, il faisait des trucs pour les ouvrir. Et il a expliqué après que c'était parce qu'il voulait voir où était l'étincelle de vie. Donc on se dit, bon, il y a quand même un petit truc là qui va pas très bien quand même. Bon. Il était assez renfermé et il avait une passion pour les voitures, une espèce, mais comme si ça avait été des personnes, quoi, une espèce d'amour pour les voitures complètement bizarre qui aurait poussé des parents à consulter. Donnez-moi les clés de votre voiture. Bien sûr, vous voulez peut-être la voiture aussi? Oui, je veux la voiture. Prenez-la. Donnez-moi les clés. Vous donnez-moi les clés! Vous êtes fous! On ne joue pas avec ces engins-là! Bon. Et puis, un soir, sa mère lui a refusé les clés de la voiture. Il avait quoi? Il avait 19 ans. Et il l'a tué à coups de couteau. Et puis après, son père est rentré et il s'est dit, le pauvre, il va s'apercevoir qu'il est veuf et que son fils est un tueur. Donc il l'a tué par compassion, voilà. Et quand il a été arrêté, il a dit, c'est pas moi qui les ai tués. Et puis, bon, c'était l'année où il devait passer son bac, donc comme il était 19 ans, il n'était pas très vieux, les juges de Venise lui ont permis, en prison, de passer son bac. Il a été emprisonné à Venise, et puis des psychiatres l'ont examiné, l'ont expertisé. Et ils ont conclu à la même chose, qu'il n'était pas responsable au moment des faits, qu'il avait un problème psychiatrique très lourd. Et donc on l'a envoyé à ce moment-là à Reggio Emilia, dans ce qu'on appelle ici une unité pour malades difficiles. Bernard Marie Coltès, 1988. Je pense qu'il ressemble à tout le monde à mesure où il suffit d'un tout petit déclic pour tuer. Simplement, il n'a pas tué pour une rayure à sa voiture, ni pour, vous voyez, il a tué pour rien. Rien, sans raison. Comme ça, un petit déclic, un déraillement. C'est un train qui déraille. Un thème qui est récurrent dans la pièce. Le train qui déraille, il a vu aussi un héros de notre temps, c'est-à-dire là on est à la fin des années 80, c'est-à-dire quelqu'un qui tue sans raison. L'histoire de Succo, c'est une sorte de, ça sont les mots de Coltès, de crise d'épilepsie de la conscience. C'est-à-dire qu'on pourrait tuer comme ça un moment, une crise d'épilepsie de la conscience, sans raison. Alors là, s'il y avait une référence effectivement au héros, pour moi ce serait celui de Dostoïevski. C'est mythique, c'est un trajet classique, je dirais grec. Il y a un truc, je sais pas, esthétique comme ça, non plus que ça, tragique, une tragédie comme ça, sans motif, comme toutes les tragédies, le destin, tout donc ça. On revient quand même pour une certaine fascination que vous avez pour la mort, pour la tragédie. J'ai une fascination pour les destins, oui. Pour les destins tragiques. Tous les grands destins sont tragiques, évidemment. Pourquoi cet enfant, si sage pendant 24 ans, est-il devenu fou brusquement? Comment as-tu déraillé, Roberto, qui a posé un tronc d'arbre sur ce chemin si droit pour te faire tomber dans l'abîme? Roberto, une voiture qui est tombé dans un ravin, au fond d'un ravin, on ne la répare pas. Un train qui a déraillé, on n'essaye pas de le remettre sur ses rails, on l'abandonne, on l'oublie. Je t'oublie, Roberto, je t'ai oublié. Comme dit Coltès par la voix de la mère dans la scène 2, quand un train a déraillé, on n'essaye pas de le remettre sur les rails. Richard Brunel. Et que la violence qui est contenue dans cet individu, elle est très intéressante parce qu'elle ricoche en fait en question sur le reste du monde. Quelle place a la violence chez les uns et chez les autres? Comment elle se fabrique? Comment on peut la canaliser? Quelle pulsion de meurtre chacun peut-il porter en soi? Qu'est-ce qu'il en fait? Et on voit à un moment donné que autour de lui, ça c'est dans la scène avec la dame élégante, autour de lui, il considère les autres comme des tueurs. Et il dit, ça y est, il suffirait qu'il y ait un tout petit déclencheur, et alors tous ces gens-là vont s'entretuer, vont dérailler, et il voit les autres comme des criminels, mais se définit pas lui-même comme tel. Regardez, tous ces fous, regardez, comme ils ont l'air méchants. Ce sont des tueurs. Je n'ai jamais vu autant de tueurs en même temps. Au moindre signal dans leur tête, ils se mettraient à se tuer entre eux. D'ailleurs, je me demande pourquoi le signal ne se déclenche pas là. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à tuer? Ils ont envie de tuer, ça se voit. Ils sont comme des rats dans des cages de laboratoire. Ils ont envie de tuer, ça se voit à leur visage, ça se voit à leur démarche. Je vois, moi, leurs poings serrés dans leurs poches. Moi, je reconnais un tueur au premier coup d'œil. Ils ont les habits pleins de sang. Ici, il y en a partout. Je pense qu'au fond, c'est presque une pièce sur la trajectoire d'un individu qui tente de faire coïncider sa réalité avec son identité. Et il a, en fait, il avoue qu'il est un criminel seulement à la fin, dans la scène 15, quand il est sur le toit et qu'il dit « Je suis le meurtrier de mon père, de ma mère, j'ai tué un inspecteur de police, un enfant. » Évidemment qu'il n'est pas question, moi je sais quand j'ai monté le spectacle avec les acteurs, je voulais vraiment insister sur le mystère du déraillement. Je voulais pas du tout faire l'éloge d'un meurtrier ou dire il y avait une jubilation à tuer ou je ne sais quoi. Je me souviens d'ailleurs que quand on a fait la production, quand j'ai proposé au directeur des scènes nationales de Chambéry et d'Annecy ce projet, la pièce les intéresse, etc., mais il ne pouvait pas le faire, il ne voulait pas le faire, parce qu'il m'a dit une chose très très intéressante, il m'a dit « ça va réveiller le malheur ». Et voilà, je me souviens même un soir où j'ai rencontré dans un café, on était avec des acteurs, et il y avait des policiers qui sont venus nous parler, bon. Et puis quand moi j'ai dit que j'allais faire Roberto Zucco, là tout de suite on m'a dit ah non mais là c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, moi je l'ai manqué, j'aurais dû le tuer, je l'ai manqué, il a tué mon pote. Et alors là je dois dire que c'est vrai que quand quelqu'un de la réalité vous interpelle à l'endroit où vous, moi mon désir c'était de raconter une histoire qui est celle de Coltès, qui est pas la réalité, ça m'a quand même, ça m'a un peu bousculé. Après le meurtre de sa mère, qui tout simplement lui refusait les clés de sa voiture et celui de son père, Roberto Zucco avait trompé tout le monde en suivant sagement des cours quelques années baccalauréat, université. À 19 ans, il avait tout pour réussir, intelligence et séduction. Il y a 2 ans pourtant, le monstre qui dort en lui se réveille. Zucco s'échappe de l'hôpital psychiatrique. En avril 87, il commence par tuer un policier qui lui demandait ce qu'il faisait là. Il était probablement dans une de ses voitures volées en train de dormir un matin sur un parking. Et peu de temps après, donc, il a enlevé dans la même journée une jeune femme à Annecy et un médecin du côté de Digne. Et les deux ont disparu. Bon, ça fait déjà 3 victimes. Ensuite, il a tué une femme qui s'appelait Claudine Duchosal, en Haute-Savoie ou en Savoie, je ne sais plus exactement. Et enfin, à Toulon, au début de l'année 87, il a failli se faire prendre. Et là, il a tué un policier qui s'appelait l'inspecteur Morandin. Là, très vite, on a eu quand même des témoins qui connaissaient son visage. Donc, il y a eu un portrait robot qui a été établi. Il est repassé par la Suisse où il a agressé une bande de jeunes. Enfin, c'était épouvantable. Il a passé une nuit à les maltraiter. Et le lendemain, il a enlevé une institutrice. Il était en voiture. Il lui avait mis un pistolet sur la tempe. Enfin, c'est des scènes de folie complète. Et ensuite, il est retourné en Italie où il est resté quand même caché un certain temps, toujours en rôdant autour des endroits où il avait habité autrefois. Et puis là, il a été arrêté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie? Ouais, dans la vie, ton métier. Ton occupation, comment tu gagnes de l'argent et toutes ces choses que tout le monde fait? Je ne fais pas ce que fait tout le monde. Alors justement, dis-moi ce que tu fais. Je suis agent secret. Tu sais ce que c'est un agent secret? Je sais ce que c'est un secret. Un agent, en plus d'être secret, il voyage, il parcourt le monde. Il a des armes. Tu as une arme? Bien sûr que oui. Montre-moi. Non. Alors tu n'as pas d'arme? Regarde. Celle qui est une des clés de l'histoire, c'est une jeune fille qu'il a connue à Toulon, mais qui habite à Aix-les-Bains. Et ça va, après, quand on aura compris qu'il était le petit ami, si vous voulez, de cette jeune fille, elle était vraiment très très jeune. C'est elle qui va d'ailleurs donner son identité finalement. Elle va le reconnaître sur un avis de recherche et elle va aller donner son identité donc en 88, hein. Et donc, on comprendra que les crimes qui ont eu lieu, c'était toujours sur le parcours entre Toulon où il habitait et Aix-les-Bains où elle habitait. Et que pendant la semaine, bon, elle allait au lycée, elle était gamine, donc lui, il n'avait pas grand-chose à faire. Et sur le chemin, lui, ben voilà, il volait, il tuait, il agressait, il n'arrêtait jamais. Avec ça, tu peux tuer aussi bien qu'avec n'importe quelle autre arme. Mais en dehors de tuer, qu'est-ce qu'il fait d'autre, un agent secret? Il voyage, il va en Afrique. Tu connais l'Afrique? Très bien. Je connais des coins en Afrique, des montagnes tellement hautes qu'il y neige tout le temps. Personne ne sait qu'il neige en Afrique. Moi, c'est ce que je préfère au monde. La neige en Afrique qui tombe sur des lacs gelés. Je voudrais aller voir la neige en Afrique. Je voudrais faire du patin à glace sur les lacs gelés. C'est très beau, les scènes entre la gamine et Roberto Succo. C'est à elle qui dit que... parce qu'il s'invente plein d'histoires, il dit qu'il est agent secret et puis qu'il ira en Afrique et puis qu'en Afrique, eh bien, il y a une chose qui pour lui est une des plus belles choses du monde, c'est qu'il neige sur des montagnes en Afrique. Coltès, il a su mettre en scène des jeunes filles, des gamines, comme il disait, et qui vont être souvent vendues par leurs frères ou sacrifiées, ou... mais qui ont une existence absolument extraordinaire, parce que, tout simplement parce qu'en général, on ne les voit pas au théâtre. Le spectacle a duré près d'une heure. On le croyait sous haute surveillance dans une cellule de sécurité de la prison de Trévise. Pourtant, vers 13h, alors que ses gardiens le conduisaient à la promenade, Roberto Succo a réussi à leur échapper. Aussitôt, il escalade le mur de la cour intérieure sans qu'ils aient le temps de réagir. Sur le toit, en petite tenue, il nargue les policiers qui cernent la prison. « Quand je sortirai, lance-t-il, je ferai une hécatombe de journalistes. » Coltès a été d'abord fasciné par la beauté de cet homme. Il a été d'autant plus fasciné que quand il est rentré chez lui, il l'a vu à la télévision, sur un toit, torse nu, défiant les hélicoptères, défiant la police, défiant la presse, comme il le dit dans la pièce, comme Samson. Il faisait presque des gestes de musculation, comme ça, il montrait ses bras, il défiait l'hélicoptère qui tournait autour de la prison. Voilà, c'est des images incroyables. On essayait de faire exactement ce que Bernard avait dit. Le metteur en scène, Bruno Beuglin, 1991. Il ne dit rien. Il dit Succo est sur un toit de prison. Il répond à des questions des prisonniers et des gardiens. Et à un moment donné, le soleil apparaît dans le ciel et devient de plus en plus brillant. Et la fin, le soleil est tellement brillant que Coltès dit, il est aussi brillant, il nous éblouit avec l'intensité d'une déflagration, la déflagration d'une bombe atomique qui a une sorte d'immense lueur. Et c'est tout au niveau d'Ascali, parce qu'autrement, il y a une voix qui le dit, il tombe. Le saut de l'ange. Ça, c'est une image que j'aime beaucoup parce que le point de passage entre Roberto Succo et Bernard-Marie Coltès, moi je le vois là, c'est ce saut de l'ange. Vous savez, à un moment, Roberto Succo est sur les toits de la prison et puis il saute. Et il se trouve que Bernard-Marie Coltès voit ça à la télévision et il est fasciné. En même temps, ces images, ce garçon est de toute beauté. Il y a quelque chose d'une sorte d'Icare ou de Dieu tombé. Ou après, chacun y met ce qu'il veut. Ou de faire l'amour avec le soleil, en fait, les références qu'il peut y avoir dans la pièce. Il y a une vitalité énorme pour rebondir aussi sur son désir sans doute de vivre dans ces derniers mois de maladie, et que l'énergie de ce personnage l'a sans doute, j'imagine, accompagné. Je me demande même si c'est pas une œuvre, s'il ne s'écrivait pas lui-même à travers Roberto Succo. Michel Piccoli, 1990. Parce que il se savait condamné, comme on dit. Et est-ce qu'il ne voulait pas aller vers la mort à travers Roberto Succo. Regardez ! Le soleil ! Vous ne voyez rien ! Vous ne voyez pas ! Comme il bouge d'un côté à l'autre ! On ne voit rien. Le soleil nous fait mal aux yeux ! Mais regardez ce qui sort du soleil ! C'est le sexe du soleil, c'est de là que vient le vent ! De quoi ? Soleil un sexe. Bougez votre tête, vous le verrez bouger avec vous. C'est plutôt quelque chose de solaire. Voilà. Quelque chose de solaire, je pense, qui lie Roberto Succo et Bernard-Marie Coltès. L'un à travers la folie, puisque c'était une schizophrénie redoutable, et l'autre à travers un désir de vivre et d'écrire. Alors, il y a un moment, j'ai reçu cette pièce, j'ai reçu le tapuscrit. J'ai voulu l'appeler à ce moment-là pour lui en parler et ça ne répondait pas parce qu'il était mort. Alors je n'avais pas beaucoup d'amitié pour cette pièce, si vous voulez, parce que c'était tellement triste, quoi. Je l'ai reçue en même temps que j'ai reçu pratiquement la nouvelle de sa mort, donc j'avais pas... Non, j'étais pas très emballée à ce moment-là, voilà. Et puis je répète, je continue 30 ans après à penser à la même chose. C'est une pièce qui, pour moi, ne parle que de la mort. C'est comme ça que je l'interprète. J'ai le sentiment que les choses, les expériences que je vis et les gens que je côtoie, à partir du moment où je les écris, je les mets à mort, en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs un peu le problème, le seul problème que je me pose en tant qu'écrivain, c'est que quand je vis des expériences et quand je rencontre des gens, je sais que un jour ou l'autre, je vais m'en servir pour les écrire, si je peux dire, et qu'à partir de ce moment-là, je ferai une œuvre de mort vis-à-vis de cette expérience vécue et vis-à-vis de ces gens que j'ai rencontrés. Astre noir. Fin de la première partie. Coltès et le tragique Roberto Succo. Avec Pascal Froment, Richard Brunel et Brigitte Salino. Extrait de Roberto Succo de Bernard-Marie Coltès, interprété par Pio Marmaille. Mise en scène Richard Brunel, 2015. Archivina Stéphanie Place. Documentaliste Anne-Lise Signoret. Prise de son Mathieu Perrault. Mixage Éric Boisset. Coordination Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Delphine Lemaire. C'est la fin de ce premier épisode. Demain à 13h30, ce sera la suite du documentaire Astre Noir.